بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand arrivera l'événement, nul démenti à son échéance, abaissera, élèvera. Quand la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront réduites en poudre fine, pour finir en poussière éparse, quand vous serez trois catégories. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Les compagnons de la dextre. Qu'est-ce que les compagnons de la dextre? Les compagnons de la senestre. Qu'est-ce que les compagnons de la senestre? Et les précurseurs. Les précurseurs. Ce sont ceux-là, les plus rapprochés de Dieu, dans les jardins des délices, une multitude d'élus des générations premières, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits tressés. Ils seront accoudés, se faisant face. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Entre eux circulent des garçons à la jeunesse éternelle, avec des coupes, des aiguillères et une coupe de jaillissement. La boisson ne leur cause ni migraine, ni étourdissement, et des fruits à leur choix, et toute chair d'oiseaux à leur appétit. Il y a des houris aux yeux grands et beaux. Elles ressemblent à des perles en coquille. En récompense de leurs œuvres passées, ils n'y entendent ni verbiage, ni incitation au péché, mais seulement la parole « paix, paix ». وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Et les gens de la dextre, qui sont les gens de la dextre, parmi des lotus sans épines, des bananiers au régime bien fourni, sous une ombre étendue, près d'une source d'eau vive et inépuisable, des fruits en abondance à leur disposition, sur des divans surélevés, c'est nous qui avons créé les houris. Nous les avons faites vierges, aimantes et toutes du même âge. Pour les gens de la dextre, une multitude aura été élue parmi les premières générations, et une multitude également parmi les dernières générations. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Et les compagnons de la gauche, qui sont les compagnons de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni douce ni rafraîchissante. Ils vivaient jadis dans l'opulence et persistaient dans le plus grand des péchés. Et ils disaient, lorsque nous serons morts et réduits à l'état de poussière et d'ossements, serons-nous ressuscités? Nous et nos premiers ancêtres, dis-leur, en vérité, les premiers comme les derniers seront rassemblés pour la rencontre déjà convenue. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Et vous, les égarés, qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement de l'arbre de Zakoum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez tel des chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. C'est nous qui vous avons créé. Admettrez-vous enfin la vérité. Ne voyez-vous pas ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou est-ce nous qui en sommes le créateur? Nous avons fait de la mort un sort commun à vous tous. Et nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et de vous faire renaître dans un état que vous ne soupçonnez guère. Vous avez connu la première création, ne réfléchissez-vous pas? أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Et ne voyez-vous pas ce que vous semez en terre? Est-ce vous qui le faites pousser, ou sommes-nous à l'origine de cette croissance? Si nous le voulions, nous le réduirons à l'état d'ivraie, et alors vous ne cesseriez de vous lamenter. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Voyez l'eau que vous buvez. Est-ce vous qui la faites descendre d'un nuage, ou est-ce nous qui la faisons descendre? Si nous le voulions, nous la rendrions amère. Alors pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Voyez-vous le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez fait grandir l'arbre qui sert à l'entretenir? Ou est-ce nous qui l'avons fait grandir? C'est nous qui en avons fait un symbole à méditer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Grand. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment des plus graves, si vous saviez que... C'est certainement un noble Coran, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent, de la part du Seigneur des mondes. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Ce discours, le tenez-vous en suspicion? Votre subsistance sera-t-elle de crier au mensonge? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Quand l'âme remonte à la gorge, que vous, à ce moment, vous regardez, et que nous sommes plus près de lui que vous, et vous ne vous en apercevez pas. Si vraiment vous n'êtes pas tenu à rendre compte de vos œuvres, pourquoi ne feriez-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique ? Si ce mourant est du nombre des rapprochés de Dieu, alors il trouvera du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, paix sur toi, par les compagnons de la droite. S'il est des négateurs égarés, un séjour dans l'eau bouillante et exposition dans la fournaise. Cela est la pleine certitude. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Grand.